poussez vers Dieu des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, chantez la gloire de son nom, proclamez sa louange éclatante. Il a changé la mer. Sa maison avec louange et je m'arrête.